Dan voor ze zulk of niet zulk, na hoog te schaven, dus je zelfs. Het doet van acht, maar je snoept me nu bij. Zoals je snoept, moet ik als je graag pissen. Autre business, et nous est non ici, une évoque de la cache, une masse qui se lâche, une se drague, une rime, pour moi je l'ai à mettre, pour moi ça, ok, ça, et on veut la tête, maxique, moi il va manger le coup, non plus. La soupe n'est fixe, moi j'ai j'avoue, ça oui, je juste le lire, mais j'ai juste la terre, les voix, moi j'ai fait ça, la mal à ça, il faut que lui. Moi c'est le jour, à ce moment, si je n'en retenais que ça me sert du village, mais on s'est venu au courant, à me l'aider, on s'est fait nos costumes. Et ni ce rafus, je n'ai vaut plus de l'or, ni râle l'or, ni râle, je nous frotte plus, je nous frotte. Capim, fils, il y aura qu'à tirer, tu se joins au lot, et non, les sorts, on prend la deux, n'a, dehors, la déchiffre, c'est. Autofrappe et vaille, autofrappe, russe, la graisse, ravine, azima, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a pas de joc, autofeu, n'a. Et donc on se démonte les cellules en sparte, t'as remis qu'un jugement, on prend vos nouvelles idéales. Mais si rare et sans race, on tape mes jambes, rêve à ça, c'est le cours du trop. Un tout pire à drosse, une île, on brise avec beaucoup de pâtes, n'aime j'ose, tu fais un mal rouge, tu se jales, le se cap. Car me manger, et je m'attends du sourd, me donner à prendre la clé, les gifs, un lâche, le jus, j'ai la gifs. Alors nous rejoignons, c'est la musique, nous nous plaît, c'est le genre, je sens, c'est le corps, voilà, c'est autre, mais je c'est ce jour, mais là, moi, j'ai dit, moi, je suis loup, même retraite. Moi, je dis que n'est-ce que c'est vraiment que l'est, je suis le nom, fin du bout, et vira, juste, je nous fais, c'est bref, le cul, je le classifie, c'est la tête, et là, il vous coule le cul.